à 19, à, avant, après, pendant. على, قبل, بعد, أثناء. Écoutez et répétez. Réveillez-moi à 7 heures, s'il vous plaît. أيقظني على الساعة 7 من فضلك. Soyez prêt à 10 heures. كن جاهز على الساعة 10. À quelle heure arriverez-vous ? في أي ساعة ستصل ? Nous voulons vous dire au revoir avant de partir. نريد أن نودعكم قبل أن نسافر. Voulez-vous vous doucher avant le repas ? هل تود أن تتحمم قبل أن تأكل؟ Je vous prie de téléphoner avant de venir. أرجوك أن تتلفن قبل أن تأتي. On ne vous laissera pas partir avant le repas. لن نترككم تسافرون قبل الأكل. Je ne lui ai pas dit au revoir avant qu'il ne parte. لم أودعه قبل أن يسافر. Ne partez pas après le coucher du soleil. لا تسافر بعد المغرب. Ne vous couchez pas après minuit. لا تنام بعد نصف الليل. Vous ne partirez qu'après la fête. لن تغادروا إلا بعد العيد. Je l'ai rencontré pendant les vacances. التقيت بها أثناء العطلة. Je l'ai rencontré pendant mon séjour. التقيت بها أثناء إقامتي. J'ai parlé avec lui pendant l'exposition. تحدثت معه أثناء المعرض.